Face aux chrétiens. Une émission de La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Animée par Jacques Pogam. Bonjour. Pour cette émission de fin d'année, notre invité est un nouveau membre de l'Académie française, quelqu'un qui est considéré par beaucoup, y compris aux États-Unis, où son enseignement a exercé une forte influence, comme le principal penseur français vivant. Il s'agit de René Girard, dont toute l'œuvre est marquée par le grand principe du désir mimétique, un concept que nous aurons certainement l'occasion de redéfinir au cours de cette émission, et assorti d'un autre thème fondamental, celui de la valeur novatrice, au sens étymologique du terme, et même salvatrice du christianisme. Deux thèmes qu'il a développé progressivement et j'allais dire inlassablement à travers des ouvrages comme en 1961 « Mensonges romantiques et vérité romanesque », en 1972 « La violence et le sacré », en 1978 « Des choses cachées depuis la fondation du monde », en 1982 « Le bouc émissaire », en 1999 « Je vois Satan tomber comme l'éclair », en 2001 « Celui par qui le scandale arrive », en 2002 « La voix méconnue du réel » et en 2004 « Les origines de la culture ». René Girard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de partager avec nous votre regard sur l'année 2005. Alors, nous allons le faire à travers un prisme en relation, bien entendu, avec votre propre démarche, c'est-à-dire à partir de trois grands thèmes. 2005, la violence dans le monde. 2005, la violence dans certains faubourgs français, avec toute la valeur symbolique que cela peut avoir. Et face à cela, le regard de l'Évangile et l'actualité de l'Évangile. Pour vous interroger aujourd'hui, Émeric Pourbet, directeur de l'information de Radio Notre-Dame. Bonjour. Véronique de la Maisonneuve, qui représente RCF. Bonjour. Et Jean-Claude Raspienjas, chef du service culture du journal La Croix. Bonjour. Alors je précise que compte tenu des allées et venues entre les États-Unis et la France de René Girard, ce Face aux chrétiens a été enregistré le vendredi 16 décembre. Ceci étant dit, premier thème, donc année 2005, la violence dans le monde. Première question, Jean-Claude Raspienjas. Si je peux me permettre, avant d'aborder cette question, j'avais envie, c'est une question vraiment personnelle, j'avais envie de savoir ce que vous avez ressenti au moment d'entrer en habit vert, sous la coupole, et d'avoir été accueilli chaleureusement par votre ami et voisin de Stanford, la jeune Michel Serres, qui vous a accueilli comme un frère. Alors, je veux savoir ce que vous avez ressenti. Ah, ben j'étais très ému. Alors cette émotion, quand on entre à l'Académie, est un peu diminuée par le fait qu'on a fait une répétition. Donc nous avions entendu nos discours réciproques. Et c'est très prudent d'ailleurs de faire ça parce que c'est pas une censure du tout, mais c'est pour vérifier. Alors, il y a un côté show business à l'Académie qui est quand même important et qu'il faut respecter. Mais j'ai été très, très ému et touché. Et je pense que c'est même un texte qui peut-être marque une date dans l'œuvre de Michel Serres. Parce que je ne devrais pas en faire le commentaire moi-même, je pense, mais il a, comment dirais-je, il dit lui-même, par conséquent on peut le répéter, que le mot vérité n'est pas souvent dans sa bouche. Et cette fois, il est là, présent, éclatant, etc. C'est une des choses, il y en a eu beaucoup, qui m'ont fait un grand bonheur. Il faut dire qu'il a, à travers tout son texte, des formules extraordinaires. Voilà, j'ai sous les yeux cette formule, ce cauchemar monotone de mime et de meurtre que communément l'on appelle l'histoire. C'est quand même quelque chose de beau. C'est une belle définition. Alors, donc ce regard sur 2005, la violence d'abord dans le monde, peut-être Émeric Pourbet. Oui, alors, puisqu'on parle de vérité, dans son message de paix pour la nouvelle année, pour 2006, Benoît XVI relie justement de manière extrêmement forte la question de la paix à celle de la vérité. C'est-à-dire que pour lui, une paix véritable dans le monde ne peut s'instaurer seulement si l'homme se laisse éclairer par la vérité. Est-ce que d'une certaine manière, ça ne remet pas en cause toutes les conceptions pacifistes des 30 dernières années? Je pense notamment à un certain relativisme qui veut assurer la paix sur le respect des différences à tout prix. Oui, enfin, je pense qu'on se fait beaucoup d'illusions dans ce domaine, et c'est bien dommage, c'est bien malheureux. Mais ce sont des illusions, en fait, qui sont très anciennes et qui reparaissent avec un vocabulaire légèrement différent, je dirais tous les 10 ans, tous les 20 ans, tous les 5 ans, peut-être même, n'est-ce pas? Mais essayer de s'entendre sur le relativisme, et en particulier, ça a été la tentation, et ça le reste, de beaucoup de chrétiens. Et à mon avis, c'est faux. Maintenir des positions chrétiennes fermes et être pour la paix, ces deux choses ne sont pas du tout inconciliables. En fait, à mon avis, c'est le contraire qui est inconciliable. C'est compromettre les vérités chrétiennes dans des aventures qui n'ont aucun avenir au fond, n'est-ce pas ? Et par conséquent, ne peuvent qu'aboutir à des catastrophes. Alors cette année 2005 a été marquée par le terrorisme quand même. Et est-ce que vous considérez que depuis 2001, on assiste à quelque chose de tout à fait nouveau sur ce plan-là ? Il y a une... Quelque chose de tout à fait nouveau. Sur le plan du terrorisme. Peut-être pas, parce que s'il y a un pays qui avait connu un type de terrorisme analogue à celui de 2001, d'une manière un peu moins spectaculaire peut-être, mais quand même assez semblable, c'est la France. J'étais en France au moment où pas mal de magasins étaient touchés par le terrorisme, etc. Et à cette époque, les États-Unis ne comprenaient pas du tout le problème que ça posait. C'était l'époque du très admiré président Kennedy, si je ne me trompe, qui faisait des discours. Il avait raison de dire que la France devait donner son indépendance à l'Algérie, mais enfin, il le faisait d'une façon un peu brutale, qui certainement ne correspond pas à l'attitude américaine aujourd'hui, où ces positions-là sont renversées. Entre la France et l'Amérique, les positions se renversent périodiquement et généralement ne signifient pas grand-chose, sinon ce que j'appelle dédoublement avec Michel. Et c'est bien souvent une forme de conflit où les positions, des positions identiques et symétriques, qui s'imaginent différentes parce qu'elles n'emploient pas le même vocabulaire, sont défendues de part et d'autre. Tous les Américains tendent à interpréter, pas tous les Américains, ça serait vraiment faux, mais beaucoup d'Américains tendent à interpréter certaines choses d'une certaine façon lorsqu'elles sont en France. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'on appelait, lorsque j'étais enfant, tirer la couverture à soi, n'est-ce pas? Nous sommes très forts tous pour ça, nous le faisons aussi, n'est-ce pas? Et j'espère que les choses changeront. Émeric Pourbet? Comment vous situez dans le fameux débat sur y a-t-il un choc des civilisations ou au contraire, y a-t-il un rapprochement possible? À mon avis, c'est une question très, très difficile parce que, d'abord, que veut dire civilisation? Je ne suis pas du tout sûr que la définition de M. Huntington soit la même que la mienne. Et les définitions des civilisations aujourd'hui, je pense que les civilisations sont toutes plus proches les unes des autres qu'elles ne l'ont jamais été. Que parler de l'islam, un point c'est tout, pour ce qui se passe aujourd'hui entre le monde occidental et le monde islamique, c'est faux. Je pense que les sentiments qui nous animent, si vous voulez, vis-à-vis des pays plus puissants, qui réussissent mieux dans la vie publique et dans l'espèce de guerre constante que sont les rapports entre les hommes, n'est-ce pas, ne sont jamais très différentes. Mais il y a des positions relatives aujourd'hui qui sont assez complexes. Il n'a pas de doute que les musulmans sont, depuis le début du monde occidental, dans une position extrêmement délicate, difficile. Ils sont les moins riches, ils perdent du terrain tout le temps. Ils ont un problème culturel. Je crois que le monde islamique, dans son ensemble, publie moins de livres chaque année que l'Espagne. À mon avis, ça, c'est un des problèmes absolument fondamentaux. Et dont, au fond, nous ne savons pas la raison. Donc, c'est sur ces problèmes-là qu'on devrait enquêter. Et vous êtes confiant dans la capacité de l'islam à se réformer, à évoluer de l'intérieur? J'en sais absolument rien. Mais je sais que notre seule chance, n'est-ce pas, de ne pas avoir de cette catastrophe, est de faire ce qu'on dénonce souvent ici comme discrimination positive et ces choses-là. Mmh. Je ne vois pas ce qu'on pourrait essayer d'autre pour améliorer les rapports avec des gens qui sont des citoyens français, qui sont là pour toujours et qui vont s'intégrer d'une certaine façon, n'est-ce pas ? Ou s'ils ne s'intègrent pas, la situation sera vraiment catastrophique. Oui, nous reviendrons sur la situation française, mais restons à l'échelle du monde. Vous avez dit que face à ce terrorisme, dont les liens avec l'islam sont extrêmement complexes, le gouvernement américain de George Bush a porté la réponse absolument contraire à ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire en répondant à la violence par la violence, et que ça n'avait pas grand sens. Je ne pense pas qu'il faille nécessairement répondre à la violence par la faiblesse, mais il est bien évident qu'on ne peut pas répondre à la violence par la violence. Ou de toute façon, notre situation est très différente de celle des Américains, qui se voient comme une espèce de bastion de l'Occident à peu près intact, alors que le reste de l'Occident est déjà envahi, contaminés, etc. Ah, ils ont la perception d'un sanctuaire Ils ont la perception d'un sanctuaire. En ceci, que le nombre de musulmans aux États-Unis, je crois, est quelque chose comme 8 millions pour un pays de 300 millions d'habitants. Oui, alors qu'il y a alors évidemment, ils sont très conscients du fait que les Européens n'ont pas d'enfants, que les musulmans immigrés en ont quand même beaucoup plus que les Français, que l'immigration n'est pas en train de se tarir, loin de là. Et ils ont l'impression que l'Europe, d'abord, ne veut pas confronter la situation, regarder, si vous voulez, l'histoire au sens où elle a toujours été histoire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire en termes de rapport de force. Ça, oui. Alors, les républicains, certainement, c'est cette attitude. Et c'est, d'une certaine manière, ce qui leur a permis de gagner les élections. Parce que les gens ont l'impression que le libéralisme en général, etc., ne regarde plus les situations en face, c'est incapable de confronter la réalité. Ah, il y a du faux, à mon avis, là-dedans, dans cette, présupposition de confrontation inévitable et inéluctable, etc. Mais en même temps, il est vrai, je pense, qu'on ne regarde pas ici la situation en face. Moi, je me suis trouvé en face de gens qui parlent du modèle français d'intégration et de la laïcité, et contre ce qu'ils appellent le communautarisme, qui est au fond, je pense, inspiré par le spectacle de l'Amérique de ce qu'on appelle affirmative action, c'est-à-dire les discriminations positives. Mais à partir du moment où on essaye non plus de faire de l'idéologie, mais de résoudre les problèmes, que peut-on faire sinon d'essayer des mesures de ce type ? D'ailleurs, je pense que l'idée qu'elles ont échoué aux États-Unis pour les Noirs est entièrement fausse. Et qu'en ce moment, justement, il se passe aux États-Unis pour la première fois ce que Tocqueville n'a pas prévu. Tocqueville, il a l'impression que le problème noir est insoluble. Mais ce qui se décide à l'Amérique depuis 2 ou 3 ans, et c'est peut-être d'ailleurs lié à 2001, c'est un de ces paradoxes. Vous voyez. Les Noirs américains sont vraiment américains. Ce qu'ils veulent, c'est l'intégration. Alors là, il y a quelque chose d'absolument essentiel. Et quand même, il se passe des choses que même nous, nous remarquons, parce qu'aujourd'hui, par exemple, Condoleezza Rice n'est plus considérée comme une Noire. Elle est le secrétaire d'État des États-Unis. Donc c'est pas un gadget politique. C'est pas un gadget. Si vous voulez, c'est aussi un gadget politique, bien entendu, parce que les politiciens sont toujours les politiciens. Mais c'est un gadget politique qui, sur beaucoup de plans, en particulier sur des universités, de l'éducation, a malgré tout fonctionné de façon positive. Pas aussi vite, pas aussi bien que les partisans l'espéraient, mais qui, quand même, en ce moment, montre des signes d'efficacité. Voyez. Véronique de la Maisonneuve. Vous avez beaucoup écrit sur l'opposition entre la communauté et l'individu. Est-ce que justement ce terrorisme, notamment aux États-Unis, n'est pas la preuve, l'illustration de cette opposition ? Mais alors qui représenterait l'individu ? Oui, si je veux dire. Chaque personnalité, chaque Américain qui ne s'est pas rendu compte justement qu'il s'est caché, et notamment le gouvernement, qui s'est voilé la face face à cette violence et qui donc l'a rendu opératoire. Oui, en fait, sans doute, vous avez raison. Oui, je ne vois pas toutes les implications de ce que vous dites immédiatement, mais certainement, il y a eu un changement. Il y a un égoïsme américain, tout de même. On en parle, nous, en France, en tout cas. Il y a un égoïsme américain, bien entendu, mais il y a aussi une générosité extraordinaire. Aucun peuple n'a jamais fait pour une autre race que font les Américains. Parce que l'affirmative action, les gens qui vivent aux États-Unis en savent quelque chose. Parce que ça veut dire que peut-être demain, votre fils, votre fille ne sera pas accepté dans une université où des Noirs à niveau objectivement inférieur d'après les tests seront acceptés. Et vous n'aurez pas le droit de vous plaindre, etc. c'est la loi. Et c'est précisément ce qu'on appelle communautarisme, n'est-ce pas ? Alors évidemment, aux États-Unis, le mot communautarisme ne signifie rien. Ou alors la philosophie de Alasdair MacIntyre, tout ça. L'unité américaine n'est pas menacée par ces trucs-là. Alors évidemment, ils sont dans une position beaucoup plus favorable que nous. Ils sont beaucoup plus puissants, ils ont beaucoup plus d'argent. Devenir citoyen américain, si vous voulez, la plupart des immigrants, pour eux, c'est quelque chose de précieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de doute et l'Europe est à un état historique très différent de ça. L'Amérique, au fond, c'est la dernière nation un peu neuve, vous voyez. Et pour penser la réalité américaine, à mon avis, il faut essayer de comprendre la période des traités de Westphalie et de la paix des Pyrénées, vous voyez, pas aujourd'hui, n'est-ce pas ? Alors, il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on ne voit pas quand on parle des États-Unis. Émeric Pourbet ? J'aimerais avoir à votre avis sur ce qui s'est passé en 2005 au niveau des catastrophes naturelles, puisqu'on a vu une succession, le tsunami, le Pakistan, la Louisiane, et leurs impacts, l'impact de ces catastrophes dans le domaine religieux, puisqu'on a vu le retour de croyances ancestrales en une punition divine, la prolifération de sectes ou de mouvements religieux. Quel est votre regard là-dessus ? Prolifération de sectes ou à partir de ces choses ? Ça, je ne vois pas, alors. Hein. Pas directement oui, à partir, mais venu oui. un petit peu au secours, justement, de ces gens qui étaient perdus, qui pensaient avoir oui. tout perdu. Vous voulez dire aux États-Unis même ? Notamment aux États-Unis. Oui. Alors là, je vais critiquer encore une fois. Parce que ce qu'on appelle le fondamentalisme, ici, on le voit comme une espèce de grand méchant loup extraordinaire et tout ça, et une complicité du gouvernement. Pas ça du tout, ça n'a aucun rapport avec la réalité. Le fondamentalisme, c'est une entreprise religieusement réactionnaire sans doute, mais qui a gagné de la force ces dernières années à mesure que, ce qu'on ne dit jamais en France, les grandes églises protestantes se désintégraient complètement. Dans les grandes églises protestantes, très souvent, c'est pas très poli de prononcer le nom de Dieu ou de choses comme ceci. Alors, les gens où reste une certaine force religieuse, ou qui ont cette espèce de conscience des nations que la religion est nécessaire à l'éducation de leurs enfants, à pas trop de pornographie sur la télé, etc., au maintien d'une vie normale. Ces gens-là, si vous voulez, quittent les grandes églises protestantes, qui avaient la majorité des protestants avant, et vont dans des secteurs fondamentalistes ou d'autres églises qu'on appelle fondamentalistes. Et vous pensez que la catastrophe de la Louisiane, par exemple, a profité à ce fondamentalisme ? Non, je pense pas. Je pense que la situation dans les 30 dernières années a profité à ce fondamentalisme. Mais les rapports du gouvernement américain, même Bush et ses fondamentalistes, n'est pas du tout ce que décrit la presse et la radio française. Ben, ces gens-là sont exploités par le gouvernement Bush. Ces gens-là, on a réussi à en faire voter un nombre suffisant pour gagner les élections contre les démocrates. Et alors, ces gens-là, en fait, sont très mécontents. Parce que regardez, par exemple, l'affaire de Bush. Il avait nommé pour la Cour suprême une femme qui était son business lawyer. C'est une avocate qui n'avait aucun intérêt politique. Alors, tout ce que ces gens attendaient, justement, c'était cette nomination à la Cour suprême qui, pour eux, était capitale. L'enjeu, c'était l'avortement. L'enjeu, la législation sur l'avortement. C'était l'avortement. Mais même l'avortement, c'était toutes sortes de lois anti-religieuses. Parce que l'évolution de la Cour suprême aux États-Unis, et c'est le grand grief des conservateurs, a été exactement dans le même sens que l'évolution des lois ici, n'est-ce pas, vers les mêmes trucs qui ont gagné partout, n'est-ce pas ? Alors, ce que le gouvernement Bush a dit à ces gens-là, ah ben on va s'occuper de ça, n'est-ce pas, la campagne de Bush. Alors, ils ont voté déjà deux fois pour les républicains, c'est pas sûr qu'ils votent la troisième, parce qu'il y a eu une espèce d'insurrection lorsqu'ils ont vu cette nomination à la Cour suprême, n'est-ce pas ? Et il a été obligé de retirer sa nomination, n'est-ce pas, pour nommer quelqu'un de plus proche. Donc ils ont quand même du poids, ces conservateurs religieux. Mais vous savez, même si le nouvel élu est nommé, il ne se passera rien. Alors là, je n'ai pas peur de prédire sur le plan de l'avortement et de ces choses-là. Parce que c'est impossible dans l'Amérique telle qu'elle est en ce moment. D'ailleurs, c'est très normal que le gouvernement Bush voit les choses ainsi. Donc le gouvernement Bush fait une série de compromis ou donne l'impression de faire des concessions au fondamentalisme, mais en fait, n'en fait pas qu'il soit vraiment significatif. Jean-Claude Raspienja. Je voudrais revenir d'un mot sur le terrorisme dont on parlait tout à l'heure. Le recours de plus en plus fréquent à des attentats exécutés par des kamikazes, ça vous inspire quoi, ça? La montée en puissance comme ça des kamikazes? À mon avis, c'est le mystère principal de la chose. Et alors, je trouve étonnant, par exemple, qu'il n'y ait pas de grand livre sur qu'est-ce qu'un kamikaze. On ne nous a pas dit. Ce qui est en train de montrer sa force face à tout l'Occident, hein, qui compte sur la technologie, etc., c'est le kamikaze. Et à mon avis, il n'y a rien d'autre. Mais ça reste un mystère total. Parce que si vous dites, genre, oh, ben, etc., le Coran, les femmes, les 700 vierges, je ne sais pas quoi, qui seront données aux élus, aux martyrs, est-ce que c'est vrai? Nous ne savons pas. Nous ne savons absolument pas ce qu'est un kamikaze. Est-ce que c'est la forme extrême du ressentiment occidental lorsqu'il arrive à un état d'exaspération tel? Vous voyez, mais comment se fait-il que nous l'avons jamais vu en Occident? Les Allemands n'avaient pas vraiment de kamikazes. Non, mais les Japonais en avaient. Pardon? Les Japonais en avaient. Oui, mais les Japonais, c'était une petite tradition aristocratique où on ne laissait pas les étrangers. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un culte religieux, en quelque sorte. On le reproche au Japon aujourd'hui, mais c'est remonter à une tradition très lointaine, la perpétuer, et qui ne risque pas de contaminer le peuple japonais. À mon avis, ce n'est pas du tout la même chose que ce que nous voyons là, qui attire des jeunes gens en quantité énorme. Et je ne prétends pas savoir ce que c'est. Justement, je dis, le mystère est là. Et c'est ce mystère qu'il faudrait essayer de résoudre. Précisément, quelles sont un peu les pistes de réflexion que vous pouvez inspirer, vous? Ben oui, ben je dois dire que je me sens impuissant à définir un kamikaze. Et je pense que tout notre problème, c'est que c'est cette impuissance. Nous ne savons pas comment parler à des gens qui ne veulent absolument pas négocier. Mais est-ce que ça veut dire que nous sommes dépassés par cette forme de don? Parce qu'il y a quand même un don. Oui, il y a un don. Ben, je pense qu'en ce moment, nous sommes dépassés, oui. Que nous avons un problème très sérieux. En tant que civilisation, n'est-ce pas, l'incompréhension de cette menace-là, n'est-ce pas? Ben, ça, on ne va pas nier que ce soit une menace. Deuxième grand thème donc, de votre regard sur l'année 2005, malheureusement, les violences dans certaines banlieues françaises. Première question, donc Jean-Claude Raspienjas, chef du service culture du journal de la Croix. Bah, la question va être assez simple, un peu sommaire dans sa formulation. Quelle est votre interprétation des événements qui ont ébranlé la France ces dernières semaines? Écoutez, je n'en ai pas parce que j'ai été frappé d'ailleurs par la façon dont les médias traitaient la chose. Je comprends très bien qu'on essaye de ne pas en parler, ou d'en parler le moins possible. Et c'est visiblement ce qui s'est passé à partir de la deuxième semaine, peut-être, où je remarquais que les nouvelles le matin, quand on se lève pour le petit déjeuner, où on devenait tellement habitué qu'on se disait combien il y aura eu de voitures cette nuit qui auront brûlé. Et puis un beau jour, on n'a plus rien dit. Et en fait, personne n'a réagi. Enfin, d'une certaine manière, tout le monde comprend la nécessité d'un certain silence. Mais aux États-Unis, ça ne serait pas passé de cette manière. C'est-à-dire? Il y aurait eu des cris épouvantables. Vous cachez la vérité, etc. Vous ne dites rien. Il n'y a pas de statistiques. On ne sait pas ce qui se passe, etc. Je n'ai pas vu ça ici. Jean-Claude Raspienjas. Juste avant la pause, on parlait de cette forme mystérieuse de violence qui est celle des kamikazes. Toute proportion gardée, naturellement. Ce qui s'est passé dans les banlieues ces dernières semaines fait apparaître quelque chose d'un type un peu nouveau. C'est évidemment la violence retournée contre soi ou contre les institutions qui sont placées là. Mais au-delà, on a vu monter depuis quelques années une forme de violence tout à fait étrange. Et j'aimerais avoir votre éclairage là-dessus, qui est notamment la violence contre les sauveteurs, contre les gens qui apportent des secours, les pompiers, les médecins. Et on se demande si là, il n'y a pas, au-delà des interdits transgressés, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de rupture presque anthropologique? Enfin, le mot est un peu quelque fort, chose d'autodestructeur. Oui, mais porter de la violence contre des gens qui apportent du secours, qui viennent aider l'autre, quelle est votre interprétation? Ça, c'est terrible, mais ça montre... Là, ça ressemble à un phénomène américain qui a existé jusqu'à... Il y a une quinzaine d'années, il n'y en a pas eu. N'est-ce pas, où les banlieues se révoltaient contre elles-mêmes. Ou à l'intérieur des banlieues, par exemple, les émeutes de Los Angeles, ça on ne l'a pas beaucoup dit, en fait, c'était des émeutes beaucoup contre les épiciers coréens. Parce que les épiciers coréens sont d'une culture très différente. Et dans les quartiers noirs, c'était eux qui tenaient toutes les épiceries. Alors, On a d'ailleurs un phénomène un petit peu semblable dans beaucoup de capitales européennes. Et cette révolte contre des gens, vous voyez, qui fournissaient la nourriture quotidienne de ces gens-là, avait quelque chose d'étrange. Et puis il y avait aussi ce phénomène de s'en prendre à des hôpitaux, à des institutions scolaires, etc., qui étaient là, locales. Alors que ces gens-là, là aussi c'était des jeunes, n'osaient pas sortir de leur quartier pour envahir les autres, parce qu'il y avait le même type de ségrégation qui s'est installée ici. Et alors, comme ce sont des gens très jeunes, mais pour être un peu plus optimiste, on peut reprendre une thèse. Ce qui a eu de frappant, malgré tout, comme dans les événements de 68, et c'est peut-être quelque chose de français, c'est que c'est une violence qui s'est portée surtout sur les objets. Et en fait, peut-être que les automobiles, symbole, grand symbole de la société de consommation, peut-être c'est une forme de sacrifice. Vous savez, dans le sacrifice, il y a une hiérarchie des victimes sacrificielles qui, d'ailleurs, pour montrer que l'anthropologie relativiste est fausse, est la même dans le monde entier. Partout dans le monde entier, tuer un individu humain, c'est le plus important. Tuer une victime animale, c'est encore vivant, c'est très important, mais moins que les hommes. Et le sacrifice le plus, commun et le moins difficile et le plus, c'est ces objets, des végétaux d'abord, qui sont encore un tout petit peu vivants, puis des choses. Il y a eu des morts quand même. Oui, très peu. Et puis c'était des morts le plus souvent qui n'étaient pas visés, comme ces deux jeunes gens dans le... etc. Le transformateur. Mais enfin, je dirais, je ne peux pas en parler avec compétence. Mmh. Mais de toute façon, par rapport aux violences qu'il y a eu, qui ont été quand même considérables, je pense que les étrangers qui sont venus ici, si vous voyez, étaient bien contents d'exagérer un peu les difficultés de la France, comme on aime exagérer les difficultés de l'Amérique, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait caractéristique de notre époque. Hein, les Anglais font un peu ça aussi. Et les Anglais avaient d'autant plus envie de le faire qu'ils... ils ont eu un choc terrible même, mais de nature très différente. Parce que ce qui s'est passé dans le métro londonien... Moi, tu y es, oui. Enfin, je ne vais pas reprendre la si. Comparaison jalouse, si vous voulez, mais dans le métro londonien, ce qui s'est passé, c'était très semblable au terrorisme des tours de New York, finalement. Vous voyez, puis c'était des gens de la troisième génération aussi... mais qui essayaient de faire sauter le métro. Et s'ils avaient pu faire beaucoup plus de victimes encore, ils l'auraient fait. Vous voyez ? Tandis que là, ça portait surtout sur les choses. Il y avait un côté un peu... Comment dirais-je ? Ma comparaison n'est pas bonne. Un côté un peu chahut, quand même. Ouais, mais il n'y a pas le côté ludique de 68, quand même. Il n'y a peut-être pas le côté ludique de 68, oui. Oui, mais en même temps, moi, j'ai vu des photos... où malgré tout, c'était des garçons qui gambadaient en riant, etc. Et je me demande s'il n'y a pas eu un peu un côté un peu ludique aussi. Moi, j'aimerais revenir à l'échelle que vous posiez, les hommes, les animaux, les objets. Revenons aux violences faites contre les hommes. Là, il s'agit de secouristes, enfin, des gens qui détruisent. Et puis également, la forme que ça prend, c'est-à-dire que ça se fait à coups de pierre. Et le retour comme ça, dans notre société, de la forme antique de la lapidation, ça vous pose pas des questions, ça, Si, si. Ça peut... et cette violence apportée contre des gens qui aident leurs frères, leurs prochains, quand même. Oui. Mais ça, je ne savais pas, d'ailleurs. Vous me l'apprenez, vous voyez. Il y a eu des lapidations. Enfin non, mais on se sert de pierre, pour porter violence et atteinte à... Alors, ce retour de la lapidation au cœur de nos sociétés, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est très grave, ça c'est des régressions, si vous voulez, sur tout ce que le judéo-chrétien essaye de supprimer, n'est-ce pas? En révélant sa vraie nature. Et évidemment, c'est très, très, très important. Ça pose des problèmes très graves. Ça pose, par exemple, ce matin aux Nouvelles, il y avait le récit, mais qui s'avérera peut-être faux ou vrai, je ne sais pas, des relations entre Al-Qaïda et ce qui s'est passé dans les banlieues. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont entendu, mais c'est la première fois que j'entendais ce genre d'informations. Et si c'est vrai, c'est très, très, très important. Tout de même, vous avez beaucoup étudié dans vos textes la lapidation. Enfin, malgré tout, cette forme moderne comme ça, au cœur des villes, cette forme moderne de lapidation, vous pourriez en dire quoi? Parce que ça nous intéresse. Je dirais justement, elle n'est pas moderne. Il n'y a pas de lapidation moderne. Il y a la lapidation ou il n'y a pas la lapidation. Dans entre Palestiniens et Juifs, on a vu certains phénomènes du même type il y a quelques années, etc. Et c'était très frappant. Et on voit que ça a arrêté tout le monde et que tout le monde en a pris conscience, etc. Alors, la question posée ce matin, justement, est la plus importante. Et bien entendu, je ne suis pas capable de la résoudre. Mais je notais que des journaux anglais, qui n'étaient pas, ou des reporters, expliquaient qu'ils avaient eu des discussions avec de ces jeunes gens, ou même de ces enfants, et que ces jeunes gens s'identifiaient au club de l'Arsenal. Vous savez qu'il y a les grands clubs londoniens. Les Gunners. De football. Les Gunners. Et parce qu'ils disaient, nous ne voulons absolument pas nous identifier à quoi que ce soit de français. Ça doit dommage se pour eux, parce qu'il y a beaucoup de joueurs français à Arsenal et le manager est français. Alors, il faudrait peut-être quand même... Le manager est français. Oui, c'est Arsène Wenger. Ah, ben alors, il y avait peut-être, comment dirais-je, un sous-entendu que je n'ai pas compris. Il faudrait faire l'exégèse de ces choses. Mais qu'on aille chercher les identifications ou les refus d'identification de ces manifestants, c'est le signe que les appartenances fondamentales sont en jeu, n'est-ce pas ? Et que toute la question de l'intégration, c'est précisément ça. Dernière question avant la pause, Émeric Pourbet. Oui, si on prend un peu de recul, donc il y a eu ces émeutes dans les banlieues, avant il y a eu le non au référendum européen, oui. Il y a eu le 21 avril 2002, autant de révoltes un petit peu contre le système, enfin c'est comme ça qu'on l'a interprété. Comment vous, vu d'Amérique, vous voyez un petit peu cette évolution ? Est-ce qu'on est à la fin d'un système, d'un cycle ? Comment vous voyez ça ? À la fin d'un système, on est certainement à la fin d'un système depuis beaucoup d'années. À quel niveau ça se passe ? Je ne sais pas. Mais je dois avouer que je suis un peu scandalisé par ces gens qui disent peut-être on ferait bien de passer à la 6e République. Pourquoi pas à la 7e, en sauter une pour essayer d'avoir une qui dure un siècle au moins. N'est-ce pas ? Ça fait rire les étrangers sur la France. Parce qu'on a l'impression que la France, si vous voulez, n'est pas sérieuse politiquement. N'arrive pas à prendre même ses propres problèmes. Est-ce que c'est les élites qui sont en cause ? Alors, les Français diraient, eux, c'est le tempérament français aussi, le tempérament gaulois, tel qu'il a été décrit par Jules César. Et puis on sait qu'en France, il y a un mélange d'ordre et de désordre extraordinairement subtil et complexe. Et que beaucoup d'étrangers, au moment où ils s'imaginent que tout va sauter en France, en fait, tout rentre dans l'ordre. Et je me demande si ça ne s'est pas un peu passé, justement, pour la dernière chose. Mais là, évidemment, on est dans une situation d'une précarité extraordinaire. Et il est bien évident qu'il faut essayer de faire quelque chose. Alors, je pense que les débats abstraits sur le modèle français d'intégration n'ont pas d'intérêt, ou un intérêt rétrospectif, peut-être. Mais je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre que d'essayer de leur donner une meilleure éducation, etc. Je rappelle, hein, parce que c'est quand même un détail important, que cette émission est enregistrée a été enregistrée le vendredi 16 décembre, en raison de l'emploi du temps international, j'allais dire, de René Girard. Alors, en commençant cette émission, je disais qu'au cœur de l'œuvre de René Girard, il y a le principe du désir mimétique. Là, nous parlions des banlieues. Jean-Claude Raspienjas, je crois que c'est le moment de rappeler à quoi correspond le désir mimétique, peut-être, par rapport aux banlieues. Je ne m'y risquerai pas devant René Girard. C'est à René Girard d'expliquer lui-même ses propres théories. Non, la question que je voulais vous poser, mais liée à ça, c'est, on voit se développer depuis plusieurs années, enfin, un certain nombre d'années, une sorte de culture de la violence, où la violence est mise en avant, où les héros portent ça par les images, les écrans, tout ça. Est-ce que, justement, votre théorie du désir mimétique peut nous aider à comprendre et peut s'appliquer à ça ? Et l'autre chose, qui est une question liée, est-ce qu'on n'est pas en train de payer une sorte de prix social à cette exposition prolongée, quotidienne et soutenue à une culture de violence ? Oui, alors cette culture de violence n'est pas directement explicable par elle-même. Elle est liée à des tensions qui, en croissant, cherchent ce que j'appellerais des débouchés sacrificiels. Aujourd'hui, le spectacle, par exemple, majeur, n'est-ce pas ? Et alors, qu'est-ce que la violence mimétique ? Si vous voulez, les hommes sont naturellement concurrentiels. Alors aujourd'hui, on le voit bien entre les nations, c'est facile à voir. Il n'y a pas une donnée comparative, statistique par exemple, de production, de voyage, de richesse, etc., qui ne soit un objet de rivalité entre les nations. On se demande à quel niveau je me trouve sur l'échelle, etc. Mon pays. Et évidemment, la violence, c'est ça. Il est bien évident que ces dernières années, la France s'est trouvée dans une situation assez mauvaise et a plutôt baissé dans sa position relative à l'égard des autres pays. Et c'est considéré, au fond, comme une défaite. La grande erreur, c'est de s'imaginer... Vous savez, sous la féodalité, on disait que c'était les principes féodaux qui faisaient la guerre. Sous les rois, on disait que c'était l'ambition. Hein. C'était la thèse de Voltaire et tout ça, l'ambition des monarchies. Et sous les bourgeois, alors là, ça devient très visiblement le désir mimétique où tout ce qui est objet de le sport en est une. Le sport, c'est très, très sérieux parce que si on gagne, eh bien, on est content, etc. L'explosion de joie qui a suivi la victoire de la France, etc. Parce qu'on sentait que la France était sevrée de victoire. D'une certaine manière, c'est elle-même qui se sèvre de victoire en se mettant des bâtons dans les roues par des oppositions locales, si vous voulez. Ça a son bon côté, n'est-ce pas? Parce que nous sommes beaucoup plus amusants que les peuples trop unis, hein, dans nos discours, dans nos propos, etc. Mais ça a aussi des inconvénients très, très graves sur le plan du rapport avec l'étranger. Et il n'y a pas de doute qu'en ce moment, les Français se sentent un peu humiliés, ou humiliés est peut-être trop fort, n'est-ce pas, mais agacés, contrés sur beaucoup de plans, etc. Et que les Américains, d'une certaine manière, qui n'ont... les Américains, ce qu'on ne comprend pas à leur sujet, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude d'être victorieux sur le plan de la culture. Vous voyez ? Alors, par exemple, l'anti-américanisme français, qui s'accompagne d'un avalage massif de toutes les modes américaines, d'un vocabulaire de plus en plus américain, etc., il est bien évident que ça va les faire rire. Vous voyez, parce que les deux ensemble sont effectivement ridicules. À mon avis, il faudrait mieux montrer ça aux Français. Vous voyez, leur apprendre cette espèce de réserve. Les rapports entre l'Amérique et l'Angleterre sont souvent sous des dehors bons, pas aussi bon qu'il ne paraît. Parce que les jumeaux se... Hein? Il y a une relation de jumeaux, il y a une relation... Il y a une relation de jumeaux, mais aussi l'Angleterre se trouve dans une situation très comparable à la nôtre, même plus grave au fond, parce qu'elle descend de plus haut, vous voyez ce que je veux dire? Les zones rouges sur la map monde de l'univers, lorsque l'Empire anglais existait, étaient infiniment plus larges que les nôtres, vous voyez? Alors plus on tombe de haut, plus c'est mauvais. N'est-ce pas? Et ces comparaisons sont universelles. C'est ce que, d'une certaine manière, à l'intérieur de son pays, on comprend mal à quel point ces choses sont universelles. Au fond, moi, mon message, c'est surtout de montrer ça, d'une certaine manière. Vous voyez que, d'une certaine façon, le nationalisme, aujourd'hui, est dépassé et qu'il faudrait s'intéresser plus aux solutions concrètes qu'aux discours, surtout. Le terrible des Gaulois, c'est qu'ils sont surtout intéressés à gagner la bataille verbale. Les anglo-saxons se fichent complètement des mots, mais les résultats concrets les intéressent beaucoup. Je pense qu'on devrait là les copier sérieusement. Alors, et pas changer de constitution. Troisième thème de cette émission, donc face à la violence dans le monde, face à cette violence que nous avons connue en France, quel est le regard de l'Évangile et quelle est l'actualité de ce regard? Première question, Véronique de la Maisonneuve, donc qui représente ici RCF. Alors justement, on nous dit souvent que ces violences viennent de l'interprétation qu'on fait des textes religieux. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt passer le message contraire, que la vérité et la paix se trouvent dans ces textes? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais de quelle interprétation quelle interprétation reproche-t-on au christianisme qui conseillerait la violence? Non, c'est plutôt au niveau de l'islam, c'est vrai. Au niveau du Coran, on dit souvent ça. Bien sûr. Oui. Est-ce que finalement, il ne faudrait mieux pas voir ce que peut apporter la religion dans sa paix et dans sa... Mais je pense que l'islam nous est envoyé par le christianisme, d'une certaine façon. Tout a un sens profond. C'est-à-dire? Et c'est-à-dire que le message de paix chrétien, n'est-ce pas, à la lumière de l'islam, quand même, si vous voulez, la différence entre le monothéisme juif, le monothéisme chrétien et le monothéisme islamique, c'est que, à mon avis, quand même, le monothéisme juif et chrétien, c'est toujours basé sur des victimes dont les mythes nous diraient qu'elles sont coupables et dont les les évangiles nous montrent, mais aussi les textes bibliques. Parce que je pense que l'intéressant, c'est de montrer l'unité totale des deux. Les premiers textes bibliques où la victime est innocente, c'est l'histoire de Joseph dans la Genèse, n'est-ce pas ? Hein ? Ses frères l'accusent, ses frères sont une meute qui le lynche d'une certaine façon, mais il y en a un qui le sauve par un exil, etc. Mais en réalité, il est innocent. Il a plus de talent que ses frères. Et comme Abraham retient son... Abraham retient son bras face à Isaac. Oui. Là, je ne suis pas sûr que... Vous voyez, parce que, si vous voulez, là, c'est toujours la communauté qui choisit une victime par jalousie, qui s'entend contre une victime pour de mauvaises raisons. Et il est bien évident que Joseph est innocent. Hein, et l'histoire va nous le prouver. Donc, Joseph, c'est un anti-Œdipe, le vrai anti-Œdipe, et pas celui de nos intellectuels déconstructeurs, c'est celui de la Bible. Nous, juifs, ne commettons pas d'erreurs du genre des Grecs, des païens, qui s'imaginent que la victime qu'ils ont tous choisie ensemble par esprit moutonnier est coupable. Nous ne savons que cette victime est innocente. Et nous ne la tuons pas. N'est-ce pas ? Alors les Égyptiens font la même chose. Mais de toute façon, vous retrouvez ça partout. Dans les psaumes, si vous voulez, à mon avis, ce qu'il faudrait comprendre sur les psaumes, c'est que c'est vraiment l'interprétation des mythes. Parce que les psaumes, c'est toujours la victime qui est au centre. Et généralement, il est entouré de gens qui s'apprêtent à lui faire un mauvais coup. N'est-ce pas ? Et elle se plaint à Dieu et elle dit « Sauve-moi ». À mon avis, dans les mythes, c'est la même chose. Mais dans les mythes, ce sont toujours les persécuteurs qui parlent. Donc, il n'y a jamais de violence visible. Alors aujourd'hui, on vous dit qu'il n'y a pas de violence dans les mythes parce qu'effectivement, on ne la voit pas. Les victorieux ne parlent jamais de violence. Ce sont toujours les victimes qui se plaignent. Et on leur en veut de se plaindre. Et on dit ce sont eux qui nous apportent la violence. Les évangiles, c'est que la violence de la passion, c'est l'essentiel. Mais la violence de la passion, c'est dire aux hommes, vous êtes coupables de cette violence. Aujourd'hui, les gens qui ne croient pas en Dieu reprochent aux religieux d'amener la violence. Le religieux, à mon avis, n'a jamais amené la violence. Il a amené la paix, soit par le sacrifice, ce qui est une manière archaïque et terrible, n'est-ce pas ? Mais qui est sans doute nécessaire à un certain type d'humanité. Alors que le christianisme dit, mes enfants, l'enfance est passée, il va falloir regarder les choses en face. Et c'est votre violence qui vous sauve, d'une certaine manière, des conséquences fatales d'elle-même, n'est-ce pas ? Par conséquent, le Christ, si vous voulez, révèle cette violence des mythes, à mon avis. Donc il faut tout à fait mettre les mythes et le judéo-chrétien en rapport pour montrer que l'un est la révélation de l'autre. Mais aujourd'hui, on nous dit les mythes sont parfaits, les mythes c'est la paix, et la violence c'est le monothéisme. C'est absolument faux, c'est facile à montrer sur les textes. Justement, je pense que la vérité est en train de sortir, parce que le mensonge qu'on impose aux christianistes, et même des chrétiens parfois, n'est-ce pas, est tellement évident que la non-violence du christianisme va se révéler. Émeric Pourbet ? Comment vous analysez un certain retour d'un anti-christianisme, soit dans les librairies ou dans des... Il y a jamais... Vous savez, au moment de la loi de 1905, il y a beaucoup de chrétiens qui disaient « La bonne chose, c'est que maintenant que le christianisme va perdre sa puissance dans le monde, son influence, etc., eh bien, on n'attaquera plus. » Parce que ça, c'est le signe que le christianisme n'est pas tout à fait mort ? Mais non, mais justement... En ce moment, au contraire, on attaque le christianisme plus que jamais. Et c'est signe, effectivement, qu'il n'est pas mort du tout. Mmh. Ou tout au moins, ceux qui voient le mieux que le christianisme va renaître, parce qu'aujourd'hui, les avant-gardes, tout ça... Vous voyez renaître ? À mon avis, déjà, oui, d'une certaine façon, par l'épuisement total de la culture dite d'avant-garde, de tout ce qui a suivi la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières restait honnête, si vous voulez, en disant, en assumant certaines... réalité chrétienne, et en disant c'est nous qui les avons inventées. On n'a pas besoin de Dieu pour faire ces trucs-là. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, on a renoncé à ça, on est dans le néant total. Mais on s'aperçoit que ça ne marche pas. N'est-ce pas ? Et que la société marche de plus en plus mal. Donc je pense que le religieux est en train de reparaître au niveau de l'efficacité concrète. Les sociétés qui n'ont pas de religieux sont des sociétés où il n'y a pas d'honnêteté, où il n'y a pas de mœurs, etc. Donc, qui ont de plus en plus de problèmes et qui ne peuvent pas connaître une civilisation comme la nôtre qui, au fond, est basée sur la confiance, donc sur l'honnêteté. Et le fait que le nouveau pape soit un grand intellectuel, c'est un atout dans cette bagarre des idées? Je crois que ce qui est un atout, là je vais choquer beaucoup de chrétiens, c'est d'abord le fait qu'il ait le sens de la tradition. N'est-ce pas? Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut que les chrétiens n'aient plus honte de leur propre tradition. On leur a monté le coup, n'est-ce pas, en leur racontant que cette tradition était abominable, etc. À mon avis, ce n'est pas vrai. Et on va s'en rendre compte, je pense, de plus en plus. Émeric Pourbet? Oui, Benoît XVI parle d'un nouvel humanisme, à partir évidemment du christianisme. À partir du christianisme. D'abord, de toute façon, il est obligé de parler à un monde qui est si peu chrétien, il parle toujours d'une certaine manière au-delà. Le paradoxe de notre époque, c'est que la papauté a pris une dimension mondiale prodigieuse qui révèle bien la soif de spiritualité et le désarroi des hommes. Il a pris cette dimension prodigieuse dans un monde qui n'est plus chrétien. Est-ce que les laïcs, d'une certaine façon, ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est précisément ce qui s'est passé, des phénomènes comme l'enterrement de Jean-Paul II. VI ou l'élection de Ratzinger, ou le fait qu'aujourd'hui, plus personne ne reproche à Ratzinger, n'est-ce pas, c'est-à-dire au nouveau pape, plus personne ne dit le cardinal Ratzinger, n'est-ce pas, mais que les attaques, si vous voulez, d'un certain christianisme contre lui est complètement cessée. Je pense que ça, ce sont des signes assez importants. René Girard, il ne nous reste que deux minutes, ça fait, je dirais, presque 30 ans au moins que vous vous battez pour mettre en valeur la force du christianisme. Et depuis 30 ans, vous refusez de parler de votre propre chemin de foi. Alors est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'on doit préserver un mystère des relations de chacun avec Dieu? Je pense que d'une certaine manière, il faut préserver ce mystère. Enfin, il y a un devoir de discrétion, mais moi, je n'ai pas peur du tout de parler de mes propres rapports avec le christianisme. Alors, chiche, vous parlez dans votre discours de réception à l'Académie française. Oui. Vous évoquiez donc la perception de la grâce par Julien Green dans cette expérience mystique. Quelle est la plus grande grâce que vous ayez reçue de Dieu, vous, dans votre vie? Ah ben moi, mon retour au christianisme, vous voyez, parce que je sors d'une famille chrétienne, mais j'ai abandonné le christianisme de l'âge de 12 ans à 38 ans, ou quelque chose comme ça. Eh bien, c'est mon propre travail qui m'a convaincu, d'une certaine façon, du christianisme. Alors, lorsque je dis ça, les gens disent « Oh, votre christianisme est complètement intellectuel, n'a aucun rapport ». C'est pas vrai du tout, parce qu'on peut pas séparer les choses comme ça. C'est un ensemble complètement uni, hein, de choses inséparables, vous voyez. Mais effectivement, moi, il y a eu une année où je me suis dit « Mais c'est vrai, ces trucs-là, et ça va tout dans le sens du christianisme. » Mais comme Claudel, au pied de son pilier, vous avez eu une révélation? Il n'y avait pas de pilier, il n'y avait pas de Claudel, il n'y avait pas de vers libre. Je ne suis pas un poète. Il y avait Dieu. Je suis un analyste. Il y avait Dieu. J'espère, je pense qu'il y avait Dieu, oui. Mais il ne faut pas trop se vanter un peu, c'est-à-dire. Il y a beaucoup d'anges aussi, de toutes sortes. Oui. Mais non, je pense qu'il y avait Dieu. Merci René Girard. Ainsi s'achève ce Face aux chrétiens. Donc, je rappelle qu'il a été enregistré le 16 décembre. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.